Alors, de 1835 à 1837, la direction des musées royaux passe à commande à 12 sculpteurs de 13 statues en pied, en marbre et en plâtre, destinées à orner chacune des niches de la galerie haute de l'aile du Nord. Plusieurs d'entre elles furent également exposées au salon. À la chute de la monarchie de Juillet, ces 13 statues formaient le seul ensemble homogène de cette galerie, qui accueillait pas moins de 39 bustes, 10 priants, 2 gisants et 8 médaillons, œuvre originale du XVIIe siècle, donc en marbre, tel le monument funéraire d'Henri Chabot, duc de Rohan, attribué à Anguier, ou bien des moulages en plâtre, tel le gisant de Catherine de Médicis. Ces œuvres d'époque, de matériaux et de typologies disparates, évoquaient des personnalités de l'histoire de France, souverains, hommes d'État, militaires et ecclésiastiques, de Louis XII à Mustapha Ben Ismaël, qui était donc un des chefs de l'Algérie, s'était soumis à Louis-Philippe. Ces sculptures complétaient sans grande cohérence donc les 14 statues en pied, 14 puisque 13 commandées sous la monarchie de Juillet et une de la commande des hommes illustres de Dangivillers, qui quant à elles étaient présentées chronologiquement et qui furent baptisées par un journaliste du début du XXe siècle de série des rois de France. Alors ce nom que je vais garder ici est toutefois impropre puisque si 10 souverains de Dagobert à Charles VIII sont représentés. Ils sont environnés d'hommes d'État et de militaires proches du pouvoir, comme l'abbé Suger, abbé de Saint-Denis, Bertrand du Guesclin, le connétable, ou encore Jeanne d'Arc. Alors voici cette série donc, de 14 statues qui ornaient donc, l'aile du Nord. Donc je vais vous les citer de gauche à droite et de haut en bas. Donc Dagobert Ier, roi des Francs, sculpté par Duseigneur, Charles Martel, maire du palais, par De Bépère, Charlemagne par Nanteuil, Hugues Capet par Radji. Ensuite, on descend, vous avez le personnage un peu austère, la chauve, c'est l'abbé Suger par Foyatier, Philippe Auguste par Jallet, Blanche de Castille par Antoine Étex, le cire de Joinville, qui est aujourd'hui conservé en réserve, en assez mauvais état, par le sculpteur Bras, Charles V par Valois, le connétable donc du Guesclin, justement issu de la commande des grands hommes de Dangivillers, par Foucault, Charles VII par Sœur, Jeanne d'Arc par Marie d'Orléans, Louis XI par Jallet, et enfin Charles VIII donc par Debé fils. Dès sa première visite attestée à Versailles, donc le 19 juillet 1833, Louis-Philippe décida de convertir l'aile du Midi en musée de peinture et de sculpture. Aucune destination à ce moment-là n'avait été fixée pour l'aile du Nord, hormis l'installation d'une bibliothèque donc au rez-de-chaussée. Les efforts de l'administration royale pour laquelle le roi et l'architecte Neveu se portèrent donc tout d'abord sur cette aile du Midi, pour laquelle le roi avait conçu l'ambitieux projet de galerie des batailles, dont le corollaire pour la sculpture était donc la galerie de pierre haute de l'aile du Midi, étudiée par mon collègue Alexandre Maral dans un article de 2008. Donc, lors de sa visite de janvier 1834, le roi ordonna de peupler cette galerie de pierre, de statues et de bustes, et prit un soin particulier à vérifier la dimension des socles et des piédestaux qui, posés contre les niches et les pieds droits des voussures de cette galerie, devaient conforter la pureté de l'architecture de mansarde. Cette muséographie allait donc être reproduite dans les autres galeries de pierre desservant les deux ailes du château. À partir de mars 1835, les travaux portèrent sur l'aile du Nord. L'escalier central de l'aile du Nord, que vous voyez ici, fut donc détruit, de même que les appartements et les appartements d'attique. Et enfin, les ouvertures qui ménageaient dans la galerie permettaient de desservir les anciens appartements princiers furent donc bouchées de manière à pouvoir présenter cette série de statues en marbre que nous étudions aujourd'hui. Alors, de la célèbre série des grands hommes de Dangivillers, il ne restait plus que Bertrand du Guesclin, puisque les autres statues en pied avaient été exposées dans la galerie symétrique donc de l'aile du Midi. Alors, bien que rien ne l'indique, il est tentant de penser que cette œuvre, représentant l'un des principaux acteurs de la première partie de la guerre de Cent Ans, ait pu inspirer à Louis-Philippe la thématique médiévale de cette série de 13 statues, puisque les salles de peinture adjacentes finalement n'avait aucun rapport avec le Moyen-Âge puisqu'elle représentait des batailles du Premier Empire jusqu'à la monarchie de Juillet. Le 2 juillet 1835, le directeur des musées royaux, Alphonse de Cailleux, adressa un rapport pour approbation au comte de Montalivet, demandant l'exécution, sur ordre du roi, des modèles en plâtre de 13 statues, modèles payés chacun 4000 francs. Donc Duseigneur était déjà chargé d'exécuter une statue de, d'exécuter une statue de Clovis, Dantan l'aîné de Dagobert, donc de Bépée de Charles Martel, Nanteuil de Charlemagne, Radji du Capet, Foyatier de Sujet, etc., etc. Et Pradier était à ce moment-là chargé d'exécuter une statue de Jeanne d'Arc. Toutefois, très rapidement, cette toute première commande fut modifiée, puisque Pradier fut chargé d'exécuter en marbre le gisant du comte de Beaujolais à la place de la statue de Jeanne d'Arc, pour laquelle déjà Marie d'Orléans travaillait, et Louis-Philippe passera commande à sa fille en 1836 de cette statue. De même, Cailleux proposa que Duseigneur soit chargé de la statue de Dagobert et d'Antan l'aîné, celle du maréchal de Villars, destinée à la cour d'honneur du château. De même, l'exécution de la statue de Philippe Auguste ne fut pas confiée à Cortot, mais à Jallet. Jallet, en effet, était un jeune talent prometteur qui avait déjà exécuté le modèle de la statue de Louis XI et qui s'était donc engagé à livrer celui de Philippe Auguste pour l'époque de l'ouverture de la galerie des palais de Versailles. Cette précision laisse penser que seuls les modèles en plâtre des statues commandées par Louis-Philippe étaient exposés lors de l'ouverture officielle du 11 juin 1837. Hormis les versions en marbre de Blanche de Castille et de l'abbé Suger, qui étaient entrées à Versailles en 1837, et peut-être de Jeanne d'Arc, les autres versions en marbre entrèrent à Versailles en 1839, voire plus tardivement, comme Charlemagne, livré en 1841, ou Charles VII en 1844. Enfin, étape préalable à leur exposition versaillaise, ces statues furent pour la plupart présentées au salon, que ce soit leur modèle en plâtre, Dagobert et Philippe II en 1836 et en 1837, ou bien la version définitive en marbre. Alors, la genèse de cet ensemble renseigne sur l'organisation de l'administration royale, le processus de la commande et son exécution, et in fine, le choix de l'artiste et de son rôle. S'il est avéré que Louis-Philippe, en personne, s'impliqua pour les aménagements muséographiques, les archives consultées, mais alors je n'ai pas pu avoir accès encore aux archives privées, à la fameuse cote AP300, les archives consultées ne permettent pas de mesurer le degré d'implication du souverain dans le choix du programme iconographique, de l'œuvre à exécuter et de l'artiste. Donc, comme l'avait explicité M. Gaetgens au sujet des peintures, les commandes de sculptures étaient passées également par la direction des musées royaux, rattachée donc à la maison du roi. Le directeur des musées royaux prenait donc les initiatives en matière de commandes et acquisitions, récompenses et secours aux artistes. Vous avez ici à l'écran notamment Alphonse de Cailleux, qui succédera au comte de Forbin. Les directeurs du musée royal étaient sous la direction de l'intendant général de la liste civile, qui était à cette époque le comte de Montalivet, et qui prenait donc ses ordres directement du roi. Pour les galeries de Versailles, les prix pour les œuvres en marbre étaient fixés selon la typologie de l'œuvre à exécuter. On l'a vu avec les peintures, 1200 francs pour les copies de bustes existants, 2400 francs pour les bustes originaux, 4000 francs pour le modèle en plâtre, étape préalable généralement à l'exécution de la version en marbre, quant à elle rétribuée 8000 francs. Dans le cas des sculptures, ces prix, comme on le voit, sont unifiés, ils ne semblent pas tenir compte de la célébrité de l'artiste. S'il ne choisit pas le personnage à exécuter, l'artiste était généralement libre de se fournir en marbre, l'administration ensuite se chargeait de le rembourser. Ainsi, par exemple, Jallet achète un bloc de marbre auprès du marbrier Genevelot pour Philippe II et auprès de Moïse pour Louis XI, tandis que Duseigneur, Sœur et Valois passent commande auprès du fournisseur Sanchel Henrot, que l'on retrouve très souvent dans ses galeries historiques. Et Tex, quant à lui, choisira un marbre de Saint-Béat des Pyrénées que lui livrera la marbrière Pugins en 1836. Donc on voit vraiment un choix assez personnel des sculpteurs. Bien que difficilement explicable par les sources, le choix des sculpteurs pressentis pour exécuter une commande en marbre obéit toutefois à certaines règles. Ces commandes passées pour Versailles, c'est-à-dire affectées à la couronne, sont des commandes officielles et, à ce titre, sont généralement confiées à des sculpteurs issus des milieux académiques, ayant fait leur apprentissage à l'École des Beaux-Arts, lauréat du prix de Rome, ou au moins exposant au salon. De fait, la plupart des sculpteurs des galeries historiques ont fait fréquenter l'atelier de maîtres célèbres qui eux-mêmes travaillèrent à Versailles, comme Cartelier, le baron Boziot, Lemot, Bridan, Dupaty ou Pradier. Cela veut dire que les sculpteurs qui exécutèrent ces 13 statues pour la Galerie du Nord bénéficiaient de bases communes en termes de références artistiques, culturelles et historiques. L'exposition au salon, fréquentée avec assiduité par Louis-Philippe, était particulièrement importante. Établie à la suite des salons de 1834 et de 1835, deux listes mentionnent le nom des sculpteurs qui, exposés, reçurent par la suite des commandes pour Versailles. C'est le cas notamment de Foyatier et de Radji, qui avaient été exposés au salon de 1835, et qui, quelques mois après, reçoivent une commande de la part de Montalivet, donc pour les statues de Suger et de UKP. Enfin, l'analyse de l'ensemble des commandes de sculptures en marbre montre que l'administration royale avait soin de ne confier les œuvres les plus importantes, telles les statues en pied, qu'aux sculpteurs déjà reconnus. Donc on voit encore ce parallèle avec les peintures, ce qu'on vient de voir à l'instant. Les archives, ainsi, abondent en lettres plutôt plaintives adressées à Cailleux ou à Montalivet de la part de jeunes sculpteurs revenus de Rome ou sans travail. Et ceux-ci se voient généralement confier tout de même une commande. Alors, pour les plus talentueux, enfin, en tout cas, pour les plus prometteurs, c'est un buste, une création originale. Et pour les autres, c'est une copie de buste déjà existant. Donc la plupart des 12 sculpteurs aujourd'hui étudiés qui bénéficient d'une commande importante, puisqu'il s'agit d'une statue en pied, posent la question de la mainmise du politique. En effet, la plupart d'entre eux ont connu une très belle carrière sur la monarchie de Juillet et ont été récompensés par le régime. Cortot, par exemple, un temps pressenti pour l'exécution de Philippe Auguste, fut promu officier de la Légion d'honneur en 1840. De même, Foyatier, Jallet, Radji, Nanteuil et Étex seront quant à eux promus chevaliers de la Légion d'honneur sous la monarchie de Juillet. Alors le préjugé d'une allégeance à Louis-Philippe, allégeance préalable à l'obtention des commandes, est toutefois à relativiser. Par exemple, le sculpteur Bougrain, qui avait été l'auteur d'un pamphlet à l'encontre du comte de Forbin, après une petite période de disgrâce, recevra tout de même la commande de 3 bustes, tout comme Dantan Jeune, célèbre pour ses caricatures des personnalités du régime. A l'inverse, Antoine Étex, qui avait participé à la Révolution de Juillet, ne recevra qu'une seule commande, sa Blanche de Castille. Une étude plus approfondie, mais que je n'ai pas eu le temps de mener malheureusement, des convictions politiques de ces différents sculpteurs permettraient de voir si, ici encore, le roi des Français eut soin de concilier, on va dire, les différentes mouvances sous son règne, différentes mouvances politiques. Alors, je vais citer M. Gettgens. Pour la peinture et la sculpture des années 30 du XIXe siècle, cette relation avec le politique signifiait leur abaissement au niveau de l'illustration. César, dans la dépendance absolue de qui passait la commande, n'avait plus qu'à être les instruments de la politique quotidienne. Alors, si elle se vérifie en de nombreux cas, cette appréciation semble toutefois relativiser dans le cadre justement de cette série dite des rois de France. En effet, la question de la liberté créatrice des artistes a souvent été débattue, tant il est vrai que, au sein des galeries historiques, la préoccupation politique primait sur la préoccupation artistique. Toutefois, dans l'état actuel des recherches, pour la sculpture tout du moins, on ne voit pas une mainmise absolue de l'administration sur les parties pris esthétiques. Je n'ai retrouvé par exemple qu'une seule lettre précisant les dimensions pour ces statues en pied, donc dans un souci absolument logique d'harmonisation des galeries. Toutefois, on voit tout de même une certaine homogénéité dans cette galerie, dans cette série dite des rois de France, donc une certaine frontalité qui dénote du dynamisme promu par d'Angivilliers dans sa commande des rois de France. Pour ça, je vous ai opposé Charles V et Duguay-Clin, et aussi un rôle important confié aux accessoires et aux attributs tenus donc par les personnages représentés. En effet, la lisibilité de l'œuvre était le corollaire indispensable au projet didactique des galeries historiques. L'histoire et les arts consacrant les gloires de la France, donc le seul groupe allégorique sculpté pour Versailles, sous la monarchie de Juillet, sera d'ailleurs considéré, lors de son exposition au Salon de 1844, comme un sujet assez ingrat. Le critique Arsène Houssaye, par exemple, ne reprochera au baron Boziot d'avoir représenté la figure de la France sous les traits d'une Minerve et donc de ne pas la rendre très lisible. Ça rejoint d'ailleurs ce que vous disiez sur Montalembert, cette espèce de jugement que la sculpture allégorique, enfin que l'allégorie est désormais désuète. Alors, M. Gadgens a montré l'importance du projet pédagogique d'un ouvrage écrit par de Jussieu, La galerie historique ou cours d'histoire générale par tableau, dans lequel l'auteur demandait à ce que soient représentés les personnages en lien avec un événement précis et surtout avec beaucoup d'accessoires et une importance accordée au costume. Alors, les sculpteurs de cette série vraisemblablement écoutèrent, ou en tout cas reçurent la consigne de la part de l'administration royale de représenter donc des personnages très lisibles. C'est le cas, par exemple, avec Charles V, qui froisse avec colère, comme ça, serrant dans son poing, le traité de Bretigny, qui avait été imposé à son père Jean le Bon, donc durant la guerre de Cent Ans, et qui réduisait considérablement le territoire royal au profit des Anglais. Donc, le roi Charles V casse ce traité, et vous voyez que, servant d'été, on a une espèce de borne avec marqué France, de manière à marquer le retour aux anciennes frontières. De même, les livres posés au pied de la statue du roi évoquent le roi fondateur de la bibliothèque royale. De même, les sculpteurs, parfois, s'inspirer de portraits que l'on croyait à l'époque authentiques. C'est le cas par exemple d'Antoine Étex qui, pour représenter sa Blanche de Castille, s'inspira donc d'un gisant conservé à Saint-Denis que l'on croyait être celui de la régente et qui en fait aujourd'hui est considéré comme celui de Catherine de Courtenay. De même, les gisants, les œuvres conservées à Saint-Denis eurent une incidence très importante sur les galeries historiques puisque nombre d'entre eux furent moulés pour Versailles, donc les sculpteurs, bien évidemment, s'en inspiraient pour représenter leurs personnages. Enfin, l'importance accordée au costume est manifeste dans cette série dite des rois de France, puisque, comme vous le voyez, le costume est toujours représenté avec un soin du détail, notamment dans le choix des motifs, les drapés, etc. Il y a toujours une recherche d'une véracité historique, en tout cas à travers le costume. Et ceci est prouvé par un document que j'ai pu retrouver aux Archives nationales. Donc c'est un dossier qui est intitulé « Costumes » et qui liste toutes les représentations connues des rois de France, de Pharamond jusqu'à Louis XVI, en mentionnant donc les sources iconographiques. Alors, on se rend compte de l'importance, à ce moment-là, de l'ouvrage de Montfaucon, qui est intitulé « Monument de la monarchie française », ouvrage publié donc au début du XVIIIe siècle, mais également de « L'histoire de France », publié au milieu du XVIIe siècle par François Eudes de Mézeray. Illustrés de gravures, ces ouvrages étaient probablement recommandés aux sculpteurs, qui toutefois s'en inspiraient librement. Preuve en est donc de la figure de Dagobert exécutée par Duseigneur, qui mélange justement plusieurs des gravures tirées de Montfaucon, qui représentent donc ce premier roi des Francs à travers des sculptures qu'à l'époque on croyait contemporaines du règne de ce roi. Par exemple, les cheveux longs et ondulés semblent inspirés de la statue assise qui est sculptée donc, sur le portail de Saint-Denis, tandis que cette longue tunique aux plis ondulés semble reprendre la statue du roi des Francs conservée à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul d'Hersort. La véracité historique n'était cependant pas une nécessité absolue, puisque par exemple pour son Louis XI, exposé au salon de 1839, Jallet adapta le portrait qu'avait peint Jean-Léonard Lugardon pour les galeries historiques, lui-même inspiré d'un portrait conservé dans les collections de Louis-Philippe au Palais Royal, portrait qui datait du XVIIe siècle. Donc vous voyez que la notion d'authenticité est tout de même fortement relativisée. Ces sources iconographiques pouvaient donc être secondaires, et quoi qu'il en soit, elles étaient très largement réinterprétées par les artistes qui, tout en se conformant à cet impératif de lisibilité et d'historicisme, cherchaient tout de même à se démarquer par leur style personnel. Alors, à l'instar des... il reste combien ? Deux minutes ? Ouh là là ! Bon, alors là, je vais brosser à très grands traits, puisque je n'avais pas prévu aussi court. Alors, toutefois, les artistes des galeries historiques, donc, comme je vous l'ai dit, étaient exposés au salon et à ce titre furent soumis au feu des critiques, ce qui montre bien aussi la part peut-être artistique de certaines de ces sculptures. C'est le cas notamment du salon de 1839, où pas moins de 10 sculptures en marbre pour Versailles furent exposées, dont notamment ce Charles V. Et alors, je vais vous lire les critiques rédigées par Jules Janin, qui était également un écrivain, auteur d'un ouvrage intitulé Barnave, publié en 1831, dans lequel il égratignait un peu la famille royale. Donc, on peut imaginer que cet auteur n'était pas forcément favorable aux commandes officielles, d'autant plus pour Versailles, puisque d'ailleurs, il explique que, selon lui, cette série de grands monuments, donc il parle de ces statues en pied, allait se perdre dans les galeries de Versailles. Alors, pour synthétiser, on se rend compte que ce qui importe aux critiques de l'époque, c'est l'originalité des artistes qui arrivent à se démarquer de la commande officielle qui est vraiment vue comme une espèce de gang. Par exemple, il va louer l'originalité, l'expressivité de Charles V, mais toutefois, il ne peut pas s'empêcher de faire cette critique un peu méchante. Alors, ce n'est pas du Diderot, mais tout de même, c'est assez amusant. Par exemple, il dit « Le livret du salon a besoin de nous avertir quelque peu de cette colère de Charles V déchirant le traité de Bretigny, car le mouvement ressemble beaucoup à la joie d'un amateur de livres qui vient de découvrir un bouquin précieux. La chose est d'autant plus vraisemblable que Charles le Sage, espèce de Médicis barbare, est le premier fondateur de la bibliothèque royale. » Alors, il faut replacer ces critiques dans le contexte très bien analysé par Antoinette le Normand Romain entre néoclassicisme hérité de la Restauration et même encore avant, la fin du XVIIIe siècle, et le romantisme naissant. Et notamment, les sculpteurs des galeries historiques de Versailles, comme par exemple Duseigneur, furent très critiqués puisqu'on leur reprochait de renoncer au style moderne qu'ils adoptaient. Par exemple, Jean Duseigneur avait exposé le Roland Furieux, qui est vraiment une œuvre, comme vous le voyez, toute faite de passion. On est vraiment en plein style romantique, là, qui avait connu un grand succès au Salon de 31. Et on reproche à Duseigneur de faire une figure figée, compassée, de renoncer finalement à son style. D'autres critiques, au contraire, loueront cette figure du roi des Francs qui, comme ça, est inspirée par Saint-Éloi et qui va, comme on le croyait à l'époque, fonder l'abbaye de Saint-Denis. Tout de même, les artistes, c'est ce que je veux vous montrer, en tout cas pour cette série de statues en pied, cherchèrent à adapter finalement leur style à cette commande, puisque, par exemple, Antoine Étex adapta le canon de la Vénus Médicis qu'il avait théorisé dans un des traités qu'il rédigea à cette régente du XIIIe siècle qui est Blanche de Castille, puisqu'on retrouve justement les proportions. Et Théophile Gautier, d'ailleurs, louera cette figure de Blanche de Castille dans laquelle il verra justement un mélange entre une figure antiquisante et en même temps des drapés gothiques. Alors, je fais très vite. Toutefois, cette importance de la qualité artistique et à relativiser, puisque, encore une fois, le principe premier de ces galeries historiques, c'est l'iconographie, et vous l'avez montré dans la précédente communication, que l'individu même est, comment dire, dissous par la notion de série, de liste, donc. Et ça se vérifie encore, puisqu'il faut bien voir que cette galerie haute de l'aile du Nord était d'une assez grande incohérence, il faut bien le dire, puisque, par exemple, auprès du Sire de Joinville, sculpté par Bras. Alors là, je vous ai mis une gravure parce que le plâtre que l'on conserve aujourd'hui est dans très mauvais état. eh bien, à côté de lui était représenté le maréchal duc d'Harcourt, Henri d'Harcourt, donc par un buste en marbre provenant de son mausolée, tandis qu'à côté de lui, de l'autre côté, il y avait le grand prieur de l'ordre de Malte, Amador de la Porte, donc vous voyez, aucun lien. En fait, si vous voulez, la cohérence se faisait par typologie, c'est-à-dire qu'il y avait une progression chronologique pour les statues en pied, ce que nous venons de voir, pour les bustes, pour les gisants et pour les priants. C'était vraiment ça la logique qui présidait à cette galerie. Toutefois, logique qu'il faut là encore relativiser, puisqu'au centre, aligné donc, avec cette série dite des rois de France, était exposé le mausolée du cardinal Mazarin, chef-d'œuvre de Coisevaux, de Tubi et de Leongre, donc, qui marquait une rupture à la fois iconographique et stylistique, avec cette série des rois de France. Rupture consommée, puisqu'en 1846 sera placée au centre de cette galerie la statue de Ferdinand Philippe, duc d'Orléans, qui va donner donc à cette galerie un peu la connotation d'un mausolée dynastique, puisqu'il y avait non seulement la Jeanne d'Arc de Marie d'Orléans, mais également les tombeaux des frères de Louis-Philippe, les cénotaphes, pardon, comte de Beaujolais et comte de Montpensier. Je termine tout simplement pour vous parler de la postérité de ces sculptures. La seule sculpture qui véritablement connaîtra une forte postérité, c'est bien évidemment la Jeanne d'Arc exécutée par Marie d'Orléans en 1836, enfin imaginée par Marie d'Orléans et traduite en marbre par son praticien Auguste Truchot. Les critiques qui seront présents lors de l'ouverture des galeries historiques en 1937 s'extasieront devant ce chef-d'œuvre de l'art romantique et troubadour. Et de fait, cette œuvre connaîtra une grande diffusion sous la forme de statuettes en bronze, en plâtre, etc. Autre sculpture qui connut une petite postérité, c'est la Blanche de Castille d'Antoine Étex, qui sera donc déclinée en buste et reproduite par Augustin Dumont pour la série des Reines de France au Jardin du Luxembourg. Toutefois, cette postérité reste véritablement à relativiser, puisque Antoine Étex, dans son autobiographie, qu'il publia d'ailleurs de son vivant, ne fait que citer sa Blanche de Castille et plutôt s'attarde sur les reliefs de l'Arc de Triomphe, qu'il considérait comme des œuvres plus importantes. Dans toutes les nécrologies ou les biographies de ces artistes des galeries historiques, de ces sculpteurs des galeries historiques que j'ai pu lire, qui ont été rédigés à la fin du XIXe siècle, très souvent les auteurs passent sur les commandes versaillaises. On se rend compte que c'est considéré comme une parenthèse dans la carrière de ces artistes, malgré ce que j'espère vous avoir montré, quand même la beauté de ces œuvres qu'il faut redécouvrir. Et donc je terminerai cette communication en disant que, après un vœu formulé il y a 10 ans par mon collègue Alexandre, nous sommes en passe de remettre dans son état Louis-Philippe la galerie de pierre haute de l'Aile du Midi. Donc, de fait, nous avons transféré dans la galerie de l'Aile du Nord cette série dite des rois de France qui avait été déplacée au cours du XXe siècle. Et j'espère donc que dans les prochaines années, nous pourrons compléter cette galerie de l'Aile du Nord par les autres statues dites des rois de France qui sont conservées en réserve ou qui ont été déposées dans d'autres musées, comme par exemple au Louvre. Je vous remercie pour